Ok. Ok. On s'aimait, on était les meilleurs amis. Maintenant on se déteste, on est les meilleurs ennemis. Je fais mon chemin, fais pas de soucis, je sais qu'est-ce qui m'aime pas s'associer. Tu sais que quand tu parles mal, ça le garde pas pour soi, un jour ça se sait. Je vois que ça m'apprécie, que ça regarde pas les mains pessales, loin de la Tessie, je gambère sur une vue à Cassis, je reste un peu seul. J'ai pas de PGP, tu veux de la haine, VG pas. À l'arrière d'un GTI, j'écris la haine comme Vegeta. J'ai pas de GP, mon ancien groupe, ouais c'est le GP. Et même si j'ai tout, crois-moi au fond j'étouffe. Mais j'oublie pas ce que j'étais. Je vais casser ma cime, ça me défend maximum. Ce que je rappe c'est la cité. J'écris des textes de cyborg, je passe inaperçu sur le deux rouge, je klaxonne, je fais le signe du logement. Tu as reconnu le G, celui qui était fauché, qui voulait voler à Auchan. Hein, la rue m'a manché, mais moi je dis, avec la musique de nos jours, c'est pas quand, y'a moyen de se défaucher. Ouais, la lune faut décrocher pour maman et tous les proches. Et si t'es un fils d'eux, ça veut dire adieu quand je te dis à la prochaine. Hein, je t'aime mon téléphone, je suis pas du genre à mon téléphone. Contre toi, contre lui, contre l'autre, moi je m'emballais. Et me dis pas que t'es mon frangin, si tu penses à faire des sous sur moi, me suce pas. On suce beat depuis le début, je te sens suspect. Dans la vie, quand tu fais le grand, ben on te rappelle que tu es petit. Et fais gaffe, car les petits maintenant peuvent faire des trucs de grand. X4, M40i, tournée salle remplie. Y'a que quand je vois ma team dehors que je sens, que je prends de l'ampleur. Je pourrais faire le méchant, je me sens pas. Sortez-moi, je sens bon. En ghetto sapé, capuché, quand je mets le sang en plomb. On me dit le coup, tu envoies du lourd, tu fou. Lâche pas sur ma mère, tu fort. Quand je vois sourire ma mère, je suis fier, ça me donne la force, faire des efforts. Mais se fait refaire, elle gère ses affaires, on se demande qu'est-ce qu'elle fait là. Elle sort en boîte, pendant que papa ou pas là, un peu comme on dit là. Attila, je voulais te voir, poto, pourquoi tu m'as lâché là. Je sais pas pourquoi tu es parti, mais je sais pourquoi tu étais là. Souviens-toi, on était proches, on avait pas win dans les poches. Quand tu étais pas bien, j'étais pas bien, je te laissais pas dehors la note. Je te laissais pas payer la note, je te faisais fumer sur mon shit, je te faisais confiance, tu étais des nôtres. Maintenant tu dis que j'ai changé, que je t'ai jamais fait manger. Tu parles de moi aux autres, un peu comme si j'étais un étranger. Moi, je me suis pas mélangé, moi, je me suis pas vengé. Ni même, je me pense pas à me vanter que j'ai assumé un tel à manger. Un jour, la roue tournera. Qui a dit quoi, qui a fait quoi, t'inquiète, poto, on le sera. Ouais, on le sera, je m'habille toujours pareil. Je fume toujours pareil, je fais jamais le parrain. Et quand je fais du bien, moi, j'attends pas qu'on me renvoie l'appareil. Mais t'es fou, tout ce que ça fait pour les sous, ça pique dans les sens, t'appelles le sang, mais c'est pas reconnaissant. Je retiens la leçon. On a vite fait le tour, de toute façon. On a tourné à 4, dans Audi A4. L'argent, le buzz, le pouvoir, les femmes. Y'a que ça qui intéresse. Tu réussis, tu mets ton pote bien, mais pour lui, tu donnes les restes. Appelle si tu fais rien, même si en ce moment je me fais rare. Jusqu'à 2h de l'après-midi, je me rêve, je réveille, je me. Et m'appelle pas le sens, tu as fait des trucs de traître. Et me demande plus de conseils, c'est pour faire le dur de tête. Sous bébé, je pense à toi, tu avais dit, je serai là pour toi. Je n'y crée des mères s'il le faut, mais moi, je t'ai plus vu pourtant. Faut que je m'achète une maison, avec un tic comme Tony M. Je rallume un dernier pétard, et je m'endors sur du Bonnie M. J'ai l'impression que tu me prends pour je sais pas qui, tu m'invites trop gentil. Je dis rien, mais vas-y, continue à me montrer devant les gens, toi. Avec le sens, son regard, on se comprend, pas besoin de télépathie. On se monte pas devant les gadis, on part, on fait pas de bruit, toi, tu patines. Et arrête de faire le lescu. En fait, tu souffres trop, je te l'ai pas dit. On sait même plus qui c'est ta team, toi qui dis qu'il n'y en a pas. T'es trop lunatique. Cet été, je pars avec la petite, loin des hypocrites. Faut qu'arrête le shit, ça serait magnifique. Bronze un hôtel, j'éteindrai mon tel, je ferai le sourd. Pas de nouvelles, on me dit fais-le. Toi tu tapes trop, tu es fêlé. Un jour tu vas serrer. Je répondrai, c'est jamais pire qu'être incarcéré. Le poteau il tease, il perd la boule, il insulte les gens, rien à voir. Ouais, l'équipe est au complet, si on se mélange c'est la foire. On peut toujours donner le doigt, frère, mais prends pas le bras. On m'a dit gentil, c'est pas un métier, j'ai arrêté d'être brave. Celui qui veut me tester, il est pas né, je suis déter comme un albanais. En buvette dans la zone, je regarde ni le feu ni le panneau. Cherche le J, il est pas là, on se verra au Vel ou à l'aréna. Le stud c'est la cellule, mon paquet de pâtes, mes claquettes arena. Et merci la zone, hein, Didier.